Comment dit-on rester en espagnol? On dit littéralement se rester. C'est quedar. Quedarse. Quedarse. Donc, je reste, littéralement, je me reste. Me quedo. Me quedo. Très bien. Me quedo. Nous restons. Nos quedamos. Nos quedamos. Il ou elle reste. Se queda. Non. Se queda. Se queda. Se queda. Et il ou elle au pluriel reste. Se quedan. Bien. Se quedan. Et tu restes. Te quedas. Te quedas. Te quedas. Je vais rester. Voy a. Encore une fois. Voy a. Voy a. C'est pas voy a, mais voy a. Voy a. Voy a. Quedarme. D'accord. Voy a quedarme. Vous pouvez le redire. Voy a quedarme. Voy a quedarme. Et je veux savoir combien de temps vous allez rester. Vous vous adressez à usted. Quiero, oui. Je veux savoir. Quiero saber. Quiero saber, d'accord. Combien, combien de temps. Cuánto tiempo. Cuánto tiempo, oui. Vous, usted, allez rester. Va a quedarse. C'est ça. Quiero saber. ¿Cuánto tiempo va a quedarse? Je resterai ici quelques jours. Je resterai ici, c'est... Quedaré. Non. Me quedaré. Me quedaré. On a maintenant la terminaison re du futur. Me quedaré. Me quedaré aquí. Quelques, c'est-à-dire plus d'un, donc quelques jours. Unos días. Unos días. Tout à fait, c'est ça. Me quedaré aquí unos días.